57e leçon. Deux bonnes réponses. Un homme est assis dans un train, une pipe à la bouche. Un contrôleur lui dit : Vous ne pouvez pas fumer ici. Je ne fume pas, répond l'homme calmement. Bah, vous avez une pipe à la bouche, s'écrie le contrôleur. D'accord. J'ai aussi des chaussures aux pieds, mais je ne marche pas. Visitant la Sorbonne, un touriste voit une bibliothèque très impressionnante. Au-dessus de la porte est inscrit « Bibliothèque Félix Fournier ». Je ne connais pas cet auteur. Qu'est-ce qu'il a écrit ? Son guide sourit et lui répond « Un gros chèque ». Exercice. Visitant la Sorbonne, ils ont vu un bâtiment impressionnant. Si vous voulez acheter mon livre, allez dans une librairie. Il a des chaussures aux pieds et un chapeau sur la tête. Passez-moi un coup de fil demain. D'accord. L'affiche est au-dessus de la porte.